Bonjour. Alors, on poursuit donc le chapitre 2 et les parties consacrées aux musiques dans les Appalaches et à la promotion et la collecte de celles-ci. Et on va parler aujourd'hui de deux collecteurs anglais qui se sont rendus dans les montagnes pour collecter des chants, Cecil Sharp et Maud Careless. Cette partie s'intitule « Un musicien anglais dans les Appalaches ». L'une des plus célèbres et influentes collections de folk songs des Appalaches du début du XXe siècle est également liée à la Hinman Folk Settlement School, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Tout commence dans le salon de Hinman, au coin du feu, lors d'une veillée chantée à la fin des années 1900. Je vous cite le passage d'un ouvrage. « Pourrais-je jamais l'oublier ? Le feu crépitant, la jeune fille sur son tabouret bas devant lui, l'étrange et doux grattement du banjo, différent de tout ce que j'avais entendu auparavant. Et puis le chant. J'avais l'habitude de chanter Barbara Allen quand j'étais enfant. Mais à quelle distance de cette douce mélodie était-ce cela ? Si étrange, si éloigné, si passionnant. » Ce témoignage provient d'un ouvrage de Olive Dame Campbell, consacré au travail de son époux, John Charles Campbell, un éducateur et réformateur chargé par une fondation philanthropique de mener une étude sociologique sur les conditions de vie dans les montagnes. Durant cette enquête du tournant des années 10, le couple séjourne fréquemment dans des missions, des settlement schools et chez des montagnards, avant de s'installer définitivement à Asheville, en Caroline du Nord, en 1912. C'est durant ces pérégrinations dans les montagnes que Olive Dame Campbell, jeune femme diplômée en arts libéraux n'ayant pas encore atteint la vingtaine, découvre les chants et ballades de la région, dont elle s'applique à consigner les paroles et transcrire les mélodies au piano. Les settlement schools, et notamment celle de Hinman, sont un terrain central de ces collectes. En 1909, la collection de chants d'Olive Dame Campbell passe entre les mains de l'éminent professeur William Kittredge, celui qui 2 ans auparavant avait publié celle de Catherine Petite. Il juge la collection de Campbell remarquable et en encourage la publication, qui n'interviendra cependant que 8 ans plus tard. Entre-temps, en 1915, une autre grande figure du folklore, cette fois-ci britannique, prend connaissance des travaux de Campbell et les juge aussi très méritants. Cet homme n'est autre que Cecil Sharp, l'un des folkloristes les plus influents de Grande-Bretagne. Sharp est âgé de 56 ans lorsqu'il découvre la collection de Campbell et a déjà une longue carrière de polymathe derrière lui. Fils d'un marchand d'ardoise du comté de Surrey, Sharp étudie les mathématiques à l'université de Cambridge. À 23 ans, il émigre en Australie où il travaille comme employé de banque pendant 6 ans avant de démissionner pour se consacrer exclusivement à la musique et devenir à la fin des années 1880 le chef d'orchestre de la Philharmonie d'Adélaïde, donc en Australie, et un compositeur d'opéra reconnu dans ce pays. De retour en Angleterre, Sharp mène une belle carrière de professeur de musique. Il enseigne le violon et le piano, devient le principal du Hampstead Conservatoire of Music en 1896, et donne des cours particuliers aux enfants royaux, donc aux petits princes et petites princesses, entre 1904 et 1907. En parallèle de toutes ces activités, Sharp pratique de nombreux instruments, dont le banjo, qui est alors très à la mode en Angleterre, mais aussi des instruments plus inhabituels, voire expérimentaux, comme l'ocarina ou l'harmonica de verre. Grand passionné de Wagner et de Schumann, Sharp se prend de passion pour les chants, musique et danse folk d'Angleterre, après avoir découvert en 1899 les danses Morris. Ce sont des danses masculines de groupe, au bâton ou à l'épée, qui sont devenues emblématiques de l'Angleterre rurale. Suite à cette découverte, Sharp milite activement pour l'intégration des répertoires folk au cursus des institutions et des écoles de musique anglaise, afin de restaurer, là je le cite, « la confiance de l'homme anglais dans la capacité inhérente à sa nation de produire de la grande musique ». Son approche nationaliste fait bien sûr écho à celle de nombreux autres compositeurs européens et américains de la même époque, qui cherchent à inventer une musique savante nationale qui serait émancipée de l'école classique austro-allemande. En 1911, Sharp fonde la English Folk Dance Society et avec la professeure de danse et collectrice Maud Careless, il entreprend de préserver et promouvoir leurs pratiques dans les formes qu'il perçoit comme les plus traditionnelles. Alors, comme les communalistes américains, Sharp considère que les répertoires folk sont composés et évoluent sous l'effet d'une communauté entière et non pas d'un seul auteur, et que leur transmission est exclusivement orale. En août 1914, la plupart des danseurs de la English Folk Dance Society sont envoyés au front. Sharp, lui-même trop âgé pour participer à la guerre, accepte alors la proposition d'un dramaturge et metteur en scène anglais de l'accompagner à New York pour travailler comme chorégraphe dans sa production de la pièce de Shakespeare « Songe d'une nuit d'été ». Sharp va alors en profiter pour d'étendre la English Folk Dance Society aux États-Unis. Et en 1915, il en établit plusieurs branches à New York, Boston, Chicago et Pittsburgh. Il enseigne également les danses anglaises lors d'écoles d'été, notamment à Amherst dans le Massachusetts. Et c'est amusant parce que dans les années 30, Sidney Robertson ira faire une école d'été là-bas pour apprendre les danses. L'intérêt de Sharp pour ces danses folk anglaises est alors très novateur, aussi bien dans son pays qu'aux États-Unis, où elles ne font pas encore l'objet d'études scientifiques. Elles sont également perçues comme un bon outil pédagogique pour inciter les jeunes Américains à rester en contact avec leurs origines européennes et particulièrement britanniques. En juillet 1915, Sharp découvre la collection de chants des Appalaches d'Olive Dame Campbell par l'intermédiaire d'une de ses anciennes élèves, la chanteuse Rosalind Fuller, qui est alors en tournée aux États-Unis et dont le mari travaille pour la même société philanthropique que John Campbell, donc le mari d'Olive Dame Campbell. Le mois suivant, Sharp entre en contact avec Olive Dame Campbell pour lui proposer un projet de copublication d'un ouvrage sur les chants des Appalaches, basé donc en partie sur les matériaux que celle-ci a déjà collectés. Ça, là je cite Sharp, sa connaissance intime du district et des gens, et les compétences scientifiques et musicales de Sharp dans le domaine du folklore. Campbell accepte avec enthousiasme la proposition du professeur. Assuré du soutien de Campbell, Sharp décide alors de mener lui-même des collectes de chants dans les montagnes et rejoint les Campbell dans leur résidence à Asheville à la fin de juillet 1916. Le voyage depuis New York est très chaotique. La ligne de chemin de fer principale permettant habituellement l'accès à Asheville en moins de 24 heures étant alors hors service suite à une sévère inondation. Sharp et sa collègue britannique Maud Carpless arrivent chez les Campbell après 2 jours d'un voyage éreintant par des lignes de chemin de fer secondaires. Olive Dame Campbell n'est alors pas en mesure de les accompagner dans leur expédition, mais elle et son époux leur indiquent les régions qu'ils pensent les plus riches en chants et en ballades. Sharp et Maud Carpless, donc qui vont être ensemble pour cette première campagne de collecte, ont déjà collaboré en Angleterre depuis le début des années 10. Carpless illustrait les conférences de Sharp sur les danses folk anglaises avec sa troupe de danseurs, qui a ensuite formé le noyau de la English Folk Dance Society. Depuis 1913, elle est sa copiste et assistante. Carpless est originaire d'une famille de la classe moyenne londonienne, d'origine juive allemande. Elle dispose d'une solide formation musicale, notamment menée à la Hochschule für Musik de Berlin. Elle a de l'expérience en tant que travailleuse sociale et elle est également engagée en politique auprès de la Fabian Society, qui sera à l'origine de la fondation du Parti travailliste en 1900. Sur le terrain appalachien, Carpless s'occupera de noter les paroles des chants, tandis que Sharp effectuera la notation des mélodies. Ils choisissent de ne pas s'équiper d'une machine enregistreuse, bien que Sharp en ait déjà expérimenté l'usage en Angleterre, car l'appareil aurait été déjà beaucoup trop encombrant, et parce que Sharp craint, semble-t-il, qu'elle mette mal à l'aise les chanteurs. Entre juillet 1916 et l'automne 1918, Sharp et Carpless vont passer en tout 12 mois dans les montagnes, dont la quasi-totalité sera consacrée à des expéditions de collecte. Les deux chercheurs voyagent en Caroline du Nord, en Virginie, dans le Kentucky, le Tennessee et la Virginie occidentale, et y recueillent plus de 1500 mélodies auprès de 281 chanteurs, ce qui représentera au total plus de 500 chants et ballades différents. La biographie de Sharp que Carpless et le musicologue anglais Strangeway Fox publieront en 1903, donc près de 10 ans après le décès de Sharp, contient deux longs chapitres consacrés aux expéditions dans les Appalaches, qui a été rédigé par Kerpless et qui contient des extraits de la correspondance et du carnet de notes de Sharp. Grâce à ce document, il est possible de retracer les étapes de leur exploration successive et de saisir les impressions que la région et ses habitants laissent à nos deux Britanniques. Bon, en tout cas, la façon dont Kerpless les restitue plus de 20 ans après. Certaines de leurs expéditions sont très éprouvantes, en particulier lorsqu'ils doivent se déplacer à pied dans les montagnes, traverser des ponts en rondins, faire de longs voyages sur des chemins caoteux en carriole ou à bord de trains bondés et non aérés sous une chaleur torride. Durant leurs expéditions, ils séjournent aussi bien chez l'habitant dans des chalets, des log cabins, au milieu des montagnes, que dans des missions et des settlement schools plus proches des gares ferroviaires. Mais il faut quand même compter 10 heures de route pour rejoindre l'école de Inman, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de la gare la plus proche. Et ils font également escale dans des hôtels de villégiature luxueux, ou beaucoup plus modestes, dans des villes minières comme Manchester dans le Tennessee. Les deux voyageurs vont devoir également composer avec la santé fragile de Sharp, qui souffre à plusieurs reprises d'attaques de fièvre délirante, le contraignant à rester alité. Durant ces périodes, il poursuivra néanmoins sa quête, en recevant à son chevet des chanteurs pour noter leurs chants. On s'arrête là, avant de rentrer donc, dans un prochain épisode dans le détail de leur expédition. Pour finir, donc, je vais passer un morceau qui a été arrangé par Cécile Sharp. C'est The Flowers of Edinburgh. Donc c'est un morceau traditionnel qui est interprété par le Folk Dance Band, qui est plus tardif puisque ce disque qui a été publié chez Victor l'a été en 1941. Mais ça permet de voir un des aspects du travail de Sharp et notamment de ses arrangements de morceaux traditionnels pour la danse. Je mettrai aussi en lien sur le blog une vidéo qui a été, enfin un film qui a été tourné en 1912 et dans lequel on voit Maud Kerpless et Cécile Sharp exécuter une danse anglaise. À la prochaine !